vie d'en bas nous sert. Écoute, mais qu'est-ce tu crois? La vie d'en bas nous quitte et nous tue. Si j'aurais choisi mon destin, j'aurais mis une croix sur la rue. Mais j'ai pas eu le choix. Petit à petit, j'ai perdu la tête. Les yeux fermés, j'ai continué. Un chemin où seulement tu tentais. Le principal, c'est de se réveiller avant l'agonie. Sur si t'assumes pas, c'est les renards qui viendront te goumer. La tête, l'apparence t'illumine. Beaucoup d'entre nous y goudront. Lâche que l'influence t'élimine. Combien sont bouffés par le goudron? Fais pas l'obstiné, ou tu vas regretter. Dès que t'es né, tu connaissais ta destinée. Ou bien tu l'as surestimé. On va y passer, pas la peine de trottiner. Un vengeur de taf à venir avec le bien copiné. En justifiant qu'il y a que des chiens, c'est pour ça que t'as tropiné. Tous déprimés, à chacun ses comprimés. L'important n'est pas que tu sois opprimé, mais que t'aies pas fait mal à autrui, mec. Crois pas être trôné, si t'as ruiné au lieu d'être pris d'en bas, nous c'est. Ici bas, on est pris pour toi. Même si sans sortir, on essaie. Le mal est là et nous côtoie. Vu que nous on vit à côté, ici vers nous a tous. Au début il t'inquiétait, avec le temps il t'a becqué. C'est la vie d'en bas qui nous saigne. Ici bas on est pris pour proie, pris au piège par cette vie malsaine. Le mal est là et nous côtoie, vu que nous on vit à côté. Ici bas nous a tous décodés. Au début il t'inquiétait, avec le temps il t'a becqué. Personne réussit à monter, par la tête si aimantée. À une tranche mon âme, comme la lame d'une scie à métaux. Faut pas écouter ces mythos, perdu d'avance face à l'état. Tu peux toujours relever la tête, sans le vice comme facilité. Parfois j'aurais envie me péter la gueule contre le mur. Je me dis que c'est dur et que je suis foutu, pensant que je serais peut-être mieux mort. Mais bon, c'est la vie, y'a des hauts et puis des bas. Mais ça me save quand je vois qu'on perd nos temps à haut débit. À l'époque où t'étais encore en train de t'éter, tu pensais pas à ton audit été. T'as trop tenté, devenu entêté. Comment se contenter quand on nous a fait tant contempler? Pour éviter une vie ratée, tu t'es creusé la tête. Et désormais quand la cruauté parle, tu t'es. Que ces diables font mal, tu t'en doutais. On peut même dire qu'au fond tu t'en foutais. T'es envoûté, par le côté obscon. Voité, pire qu'un crêpe devant un os. La vie d'en bas nous saigne. Ici bas on est pris pour proie. Même si sans sortir on essaie. Le mal est là et nous côtoie. Vu que nous on vit à côté, ici vers nous a tous décodés. Au début il t'inquiétait, avec le temps il t'a becqué. C'est la vie d'en bas qui nous saigne. Ici bas on est pris pour proie. Pris au piège par cette vie malsaine. Le mal est là et nous côtoie. Vu que nous on vit à côté, ici vers nous a tous décodés. Au début il t'inquiétait, avec le temps il t'a becqué. C'est vrai qu'il a un gros appétit. On a tous les pieds dans le plat, donc dans ses yeux ça pétille. Il nous titille, on dirait que ça nous déplaît pas. Est-ce par le mal que les plaies partent? Il nous abîme, puis nous répare. Par cette pénombre qui s'est tentée, puis te hanter. C'est dardard, un par un, sont vus tomber. Tous s'en foutent des retombées. Plus d'espoir, c'est trop tard, car on a tous succombé. Dû à un manque d'amour que nous n'avons pas su combler. La tête, la première, on tombe dans ce trou. Sorcelé, c'est bête, dès la primaire. Aujourd'hui, le sorcelé, responsable, c'est le cheminement du choix des strats. Et de tes actes qui font ce que t'es aujourd'hui. Tous tes méfaits, faut que tu les raques. Si t'as mal agi dans le passé, les regrets brûleront tes pensées. T'auras beau vouloir te surpasser, y'aura que la haine pour compenser. Toute la peine qui t'assassine. J'espère qu'un jour nos vies seront saines. Avant qu'un seul buzz décide. Avant que notre heure sonne. La vie d'en bas nous saigne. Ici bas on est pris pour proie. Même si sans sortir on essaie. Le mal est là et nous côtoie. Vu que nous on vit à côté, ici vers nous a tous décodés. Au début il t'inquiétait, avec le temps il t'a becqué. C'est la vie d'en bas qui nous saigne. Ici bas on est pris pour proie. Pris au piège par cette vie malsaine. Le mal est là et nous côtoie. Vu que nous on vit à côté, ici vers nous a tous décodés. Au début il t'inquiétait, avec le temps il t'a becqué. J'ai perdu beaucoup de temps et je pourrais pas le récupérer. La street on a que ça, en plus c'est dans la rue qu'on périt. On cherche tout ça, ça s'accaparer. Qu'on tient un cap pareil, j't'assure ici, y'a pas beaucoup de cap pareil. Crois pas que si je gratte le papier, c'est pour palper mes capos B. Moi je viens jacter pour injecter, dépenser pour faire cogiter. Moi je suis juste un artiste qui s'inspire sur air triste. J'voudrais que ma vie s'éclaircisse, donc au microphone j'persiste, frère. C'est ça.